Troisième discours, deuxième partie. La famille de Théodose était espagnole comme celle de Trajan et d'Arien. Théodose ne sollicita point la puissance, il n'eut pour intrigue que sa renommée, pour protecteur que la nécessité. Il était exilé et fils d'un père, grand général, injustement décapité à Carthage. Il désirait paix et peu, et il eut guerre et richesse. Un empereur qui n'avait pas 19 ans, le fit son collègue. Sous Théodose, successeur de Valence en Orient, les Goths se divisèrent et se soumirent. Les Visigoths furent établis dans la Thrace, les Ostrogoths dans la Phrygie et dans la Lydie. Introduits dans l'Empire, ils n'en sortirent plus. Un parti, celui de Fravitta, païen de religion, voulait rester fidèle aux Romains. Un autre parti, celui de Priulf ou d'Eriulf, soutenait qu'on n'était pas obligé de garder la foi à des maîtres lâches et perfides. L'inimitié des deux chefs éclata dans un festin où Théodose les avait invités. Fravitta suivit Priulf, qui quittait de table et lui plongea son épée dans le ventre. Gratien gouvernait l'Occident, tandis que son frère, Valentinien II, encore enfant, résidait en Italie. Le poète, Ozone, qui professait l'hellénisme, avait eu part à l'éducation de Gratien, et saint Ambroise avait composé pour ce prince, qu'il appelle très chrétien, une instruction sur la Trinité. Gratien refusa de prendre la robe pontificale des idoles, publiant, ensuite rappela un édit de tolérance, et exempta les femmes chrétiennes de monter sur le théâtre. Le christianisme était un droit futur à la liberté et un privilège actuel de vertu. Gratien, préférant la chasse à tout autre plaisir, donnait sa confiance aux alains de sa garde, particulièrement distingués comme chasseurs. Les autres barbares à son service en conçurent une profonde jalousie. Mélobaude, roi d'une tribu des Francs, ce Mélobaude qui avait voulu faire reconnaître Valentinien II pour régner sous le nom d'un enfant, était devenu, à force de souplesse, le favori de Gratien. Alors Maxime, soldat ambitieux, se laissa proclamer Auguste dans la Grande-Bretagne. Il fondit sur les Gaules, accompagné de 30 000 soldats et suivi d'une population nombreuse qui se fixa en partie dans l'Armorique. Gratien, qui séjournait à Paris, prend la fuite, est arrêté par le gouverneur du Lyonnais, livré à Andragatius, général de la cavalerie de Maxime, et tué. Mélobaude partagea le sort du maître qu'il avait peut-être trahi. L'empereur d'Orient toléra l'usurpation de Maxime. Théodose rendit en faveur de la religion catholique un édit fameux. Cet édit ordonne de suivre la religion enseignée par Saint-Pierre aux Romains, de croire à la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, autorisant ceux qui professaient cette doctrine à se nommer catholiques. Cependant, l'arianisme triomphait aux rives même du Bosphore. Rome et Alexandrie repoussait depuis 40 ans la communion des évêques et des princes de Constantinople. La controverse occupait cette ville entière. Priez un homme de vous changer une pièce d'argent, il vous apprendra en quoi le Fils diffère du Père. Demandez à un autre le prix d'un pain, il vous répondra que le Fils est inférieur au Père. Informez-vous, si le bain est prêt, on vous dira que le Fils a été créé de rien. Saint Grégoire de Nazianze essaya de fonder à Constantinople une église catholique. Il y fut attaqué et la discorde divisa son troupeau. Théodose, après avoir reçu le baptême et publié son édit, enjoignit à Démophile, évêque arien, de reconnaître le symbole de Nicée ou de céder Sainte-Sophie et les autres églises à des prêtres de la foi orthodoxe. Grégoire fut installé dans la chaire épiscopale par Théodose en personne, au milieu de ses gardes. Mais les sanctuaires étaient vides et la population arienne poussait des cris. Cette résistance amena la proscription de l'arianisme dans tout l'Orient et un synode convoqué à Constantinople l'an 382 confirma le dogme de la consubstantialité. L'intervention du pouvoir politique n'empêcha point saint Grégoire, fatigué, d'abdiquer son siège et d'aller mourir dans la retraite. Maxime, usurpateur des Gaules, aussi orthodoxe que Théodose, fut le premier prince catholique qui répandit le sang de ses sujets pour des opinions religieuses. Priscillien, évêque d'Avila en Espagne, fondateur de la secte de son nom, fut exécuté à Trèves avec deux prêtres et deux diacres. le poète latronien et Eucrocyan, veuve de l'orateur Delphidius, subirent le même sort. Les Priscilliens étaient accusés de magie, de débauche et d'impiété. Saint Ambroise et Saint Martin de Tours condamnèrent ces cruautés. Je vous ai dit que l'impératrice Justine, seconde femme de Valentinien Ier et mère de Valentinien II, était arienne. Elle entreprit d'ouvrir à Milan une église de sa confession. Ambroise s'y opposa. Des troubles s'ensuivirent. Le saint qui les avait excités par son zèle les calma par son autorité. Néanmoins, condamné à l'exil, il refusa d'obéir et le peuple prit sa défense. La liberté individuelle commençait à renaître sous la protection de la liberté religieuse. Saint Augustin se trouvait parmi les disciples de saint Ambroise. Maxime, qui avait enlevé à Gratien les Gaules, la Grande-Bretagne et les Espagnes, entreprend de dépouiller Valentinien des provinces de l'Italie. Il trompe la cour de Milan, malgré la clairvoyance de saint Ambroise, et franchit les Alpes avant que Justine se doutât de ses projets. Elle n'eut que le temps de se sauver avec son fils. La population de Milan était catholique, elle renonça facilement à la fidélité jurée à une princesse et à un enfant à rien. Saint Ambroise refusa toute communication avec Maxime. Justine, arrivée à Thessalonique, implore le secours de Théodose. Il le lui promet en lui faisant observer que le ciel lui infligeait le châtiment dû à son hérésie. Valentinien avait une sœur appelée Galla. Cette sœur confirma dans le cœur de Théodose la résolution que lui inspirait la reconnaissance envers la famille de Gratien Ier. Théodose épouse Galla et marche à la tête d'une armée de Romains, de Huns, d'Alains et de Goths, contre une armée de Romains, de Germains, de Maures et de Gaulois. Maxime, vaincu sur les bords de la Save, ne montra ni courage ni talent, il se réfugia dans l'Aquilée, y fut pris, dépouillé des ornements impériaux, conduit au camp de Théodose, où sa tête tomba peu d'instants après sa couronne. Un an avant la victoire de Théodose sur Maxime, la sédition d'Antioche avait eu lieu. Libanus et saint Chrysostome nous en ont conservé le double récit. Théodose, bien qu'il eût prononcé une sentence terrible, se laissa toucher et pardonna. 3 ans plus tard, il ne montra pas la même indulgence pour Thessalonique. À Antioche, on avait renversé les statues de l'empereur, de son père Théodose, de sa première femme Flacilla, de ses 2 fils Arcadius et Honorius. À Thessalonique, le peuple avait égorgé Botéric, commandant de la garnison, en vindicte de l'emprisonnement d'un infâme cocher du cirque, épris de la beauté d'un jeune esclave de Botéric. Théodose donna l'ordre d'exterminer ce peuple, ordre qu'il révoqua quand il était exécuté. La foule, appelée au jeu du cirque, fut assaillie par des troupes cachées dans les édifices environnants. Un marchand avait conduit ses 2 fils au spectacle. Entouré de meurtriers, il leur offre sa vie et sa fortune pour la rançon de ses fils. Les soldats répondent qu'ils sont obligés de fournir un certain nombre de têtes, mais ils consentent à épargner une des 2 victimes et pressent le marchand de désigner celle qu'il veut sauver. Tandis que le père regarde en pleurant ses 2 fils et qu'il hésite, les impatients barbares épargnent à sa tendresse l'horreur du choix, ils égorgent les 2 enfants. Saint Ambroise apprend à Milan le massacre de Thessalonique, il se retire à la campagne et refuse de venir à la cour. Il écrit à l'empereur « Je n'oserais offrir le sacrifice si vous prétendez y assister. Ce qui me serait interdit pour le sang répandu d'un seul homme, me serait-il permis par le meurtre d'une foule d'innocents ?» Théodose n'est point retenu par cette lettre. Il veut entrer dans l'église. Il trouve sous le portique un homme qui l'arrête. « C'est Ambroise. Tu as imité David dans son crime, s'écrie le saint. Imite-le dans son repentir. » 8 mois s'écoulèrent. L'empereur n'obtenait point la permission de pénétrer dans le saint lieu. Le temple de Dieu, répétait-il, est ouvert aux esclaves et aux mendiants, et il m'est fermé. Ambroise demeurait inexorable. Il répondait à Ruffin qui le pressait « Si Théodose veut changer sa puissance en tyrannie, je lui livrerai ma vie avec joie. » Enfin, touché du repentir de l'empereur, l'évêque lui accorda l'expiation publique, mais en échange de cette faveur, il obtint une loi suspensive des exécutions à mort pendant 30 jours depuis le prononcé de l'arrêt. Belle et admirable loi qui donnait le temps à la colère de mourir et à la pitié de naître. Sublime leçon qui tournait au profit de l'humanité et de la justice. Si 30 jours s'étaient écoulés entre la sentence de Théodose et l'accomplissement de cette sentence, le peuple de Thessalonique eût été sauvé. Dépouillé des marques du pouvoir suprême, l'empereur fit pénitence au milieu de la cathédrale de Milan. Prosterné sur le pavé, il implora la merci du ciel avec sanglots et prières. Saint Ambroise, lui prêtant le secours de ses larmes, semblait être pécheur et tombé avec lui. Cet exemple à jamais fameux apprenait au peuple que les crimes font descendre au dernier rang ce qu'il y a de plus élevé, que la cité de Dieu ne connaît ni grand ni petit, que la religion nivelle tout et rétablit l'égalité parmi les hommes. C'est un de ces faits complets rares dans l'histoire où les trois vérités religieuses, philosophiques et politiques ont agi de concert. À quelle immense distance le paganisme est ici laissé ? L'action de saint Ambroise est une action féconde qui renferme déjà les actions analogues d'un monde à venir. C'est la révélation d'une puissance engendrée dans la décomposition de toutes les autres. Théodose rétablit Valentinien III dans la possession de l'Empire d'Occident et retourna à Constantinople. Justine mourut, Arbogast, élevé aux grandes charges militaires, s'empara de la maison du jeune prince. On a pu voir à propos de Mélobaude que les Francs s'introduisirent dans toutes les affaires du palais et de l'État. Retenu quasi prisonnier à Vienne dans les Gaules par son hautain sujet, Valentinien fit connaître sa position à saint Ambroise et à Théodose. Mais il n'eut pas la patience d'attendre. Il mande Arbogast, le reçoit assis sur son trône et lui remet l'ordre qui le destitue de ses emplois. « Tu ne m'as pas donné le pouvoir, tu ne me le peux ôter !» dit le franc en jetant le papier à terre. Valentinien saisit l'épée d'un de ses gardes pour s'en frapper ou pour en percer Arbogast. On le désarma. Quelques jours après, il fut trouvé étouffé dans son lit. Arbogast dédaigna de revêtir la pourpre. Il en emmaillota un romain, jadis son secrétaire, Eugène, professeur de rhétorique latine, et devenu garde-sac, place du palais. Théodose se prépare 2 années entières à venger Valentinien. Il envoie consulter Jean, solitaire de la Thébaïde, qui lui promet la victoire. Stilicon rassemble les légions avec Timasius. Les barbares auxiliaires joignent l'armée. Alaric, le destructeur de Rome, se trouvait parmi les recrues de Théodose. La plupart des personnages qui devaient voir tomber la ville éternelle étaient maintenant sur la scène. Le soldat franc, Arbogast, attendit sur les confins de l'Italie, avec son empereur Eugène, le soldat go Alaric, qui venait avec son empereur Théodose. Premier choc sous les murs d'Aquilée. 10 000 go périssent avec Bacurius, général des Ibères. Théodose passa la nuit retranché sur les montagnes. Au lever du jour, il s'aperçut que sa retraite était coupée. Il eut recours à un expédient souvent employé auprès des barbares, peu soucieux et de la cause et des maîtres pour lesquels ils versaient leur sang. Il entama des négociations avec Arbitrion, chef des troupes, qui lui barrait le chemin. Un traité fut conclu et écrit à la hâte, le papier et l'encre manquant, sur les tablettes impériales. Théodose mène aussitôt ses récents alliés à l'attaque du camp de Gênes. Il marche en avant des bataillons, fait le signe de la croix et s'écrie « Où est le dieu de Théodose ?» Une tempête s'élève et jette la terreur parmi les Gaulois. Eugène, trahi et saisi, lié, garrotté, conduit à Théodose, tué, prosterné à ses pieds. Arbogast erra 2 jours parmi les rochers et se donna de son coutelas dans le cœur. La vie et la mort d'un franc n'appartenaient qu'à lui. Saint Ambroise n'avait point voulu reconnaître Eugène. Il eut le plaisir d'embrasser vainqueur son illustre pénitent. L'évêque de Milan, Ruffin, Orose et Saint-Augustin, qui semblent autorisés par Claudien même, disent que les apôtres Jean et Philippe combattirent à la tête des chrétiens dans un tourbillon. Théodose avait tant pleuré la veille de la bataille, afin d'obtenir l'assistance du ciel, que l'on suspendit à un arbre pour les sécher ses habits trempés de larmes. Trophée de l'humilité, qui devint celui de la victoire, Jean le solitaire de la Thébaïde fut instruit de cette victoire à l'heure même où elle s'accomplit. Un possédé à Constantinople, ravi en l'air au moment du combat, s'écria en apostrophant le tronc décollé de Saint-Jean-Baptiste « C'est donc par toi que je suis vaincu, c'est donc toi qui ruines mon armée. Voilà les temps comme ils sont. » Théodose fit abattre les statues de Jupiter placées sur la pente des Alpes. Les foudres en étaient d'or. Les soldats disaient qu'ils voudraient être frappés de ces foudres. L'empereur leur livra le dieu tonnant. Les nombreuses réminiscences d'un autre ordre de choses qui fourmillent dans ces récits ne vous auront point échappé. Les fictions de l'hellénisme vivaient au fond des esprits convertis à l'Évangile. Ils s'en accusaient, ils s'en défendaient comme du crime de magie, mais ils en étaient obsédés. Les poèmes d'Homère et de Virgile étaient comme des temples défendus par un démon puissant. Les évêques, les prêtres, les solitaires ne les osaient brûler. Mais ils dérobaient à ces édifices merveilleux tout ce qu'ils pouvaient convertir à un saint usage. Reine détrônée, régnant encore par ses charmes, la mythologie s'empara non seulement de la littérature chrétienne, mais de l'histoire. Il fallut que les nations scandinaves et germaniques descendissent des Grecs et des Troyens, que l'Iliade et l'Énéide devinssent les premières chroniques des Francs. Les barbares du Nord se reconnurent enfants d'Homère, comme les Arabes veulent être fils d'Abraham. Miraculeux pouvoir du génie qui donnait pour père à la vérité le père des fables. Nous voyons sous Théodose les destructeurs de l'Empire établis dans l'Empire. Des Huns et des Goths au service des princes qu'ils allaient exterminer, des Francs, officiers du palais, faisant et défaisant des empereurs, des Calédoniens, des Maures, des Sarrasins, des Perses, des Ibériens, cantonnés dans les provinces, l'occupation militaire du monde romain précéda de 50 années le partage de ce monde. Les hommes même qui défendaient encore le trône des Césars, craquant sous les pas de tant d'ennemis, ne procédaient pas de la lignée des Sylla et des Marius. Stilicon était du sang des Vandales, Aetius du sang des Goths. L'empire latin romain n'était plus que l'empire romain barbare. Il ressemblait à un camp immense que des armées étrangères avaient pris en passant pour une espèce de patrie commune et transitoire. Il ne manquait à l'achèvement de la conquête que quelques destructions, le mélange momentané des races et ensuite leur séparation. L'invasion morale s'était tenue à la hauteur de l'invasion physique ou matérielle. Les chrétiens avaient créé des empereurs comme les barbares et ils avaient soumis les barbares eux-mêmes. Nous voyons, dit saint Jérôme, affluer sans cesse à Jérusalem des troupes de religieux qui nous arrivent des Indes, de la Perse, de l'Éthiopie. Les Arméniens déposent leurs carquois, les Huns commencent à chanter des psaumes. La chaleur de la foi pénètre jusque dans les froides régions de la Scythie. L'armée des Goths, où flottent des chevelures blondes et dorées, porte des tentes qu'elle transforme en églises. Des règnes de Théodose et de Gratien datent la grande ruine du paganisme. Ces princes frappèrent à la fois l'idolâtrie et l'hérésie. Gratien s'empare des biens appartenant au collège des prêtres, à la congrégation des Vestales. Il fit aussi enlever à Rome l'autel de la Victoire, du lieu où les sénateurs avaient coutume de s'assembler. Constance l'avait déjà abattu et Julien restauré. Le Sénat chargea Symmaque de solliciter le rétablissement de cet autel et la restitution des biens saisis. Le préfet de Rome plaida la cause du monde païen, l'évêque de Milan celle du monde chrétien. On est toujours obligé de rappeler le passage si connu du discours de Symmaque. Rome, chargée d'années, s'adresse aux empereurs Théodose, Valentinien II et Arcadius. Très excellent prince, père de la patrie, respectez les ans où ma piété m'a conduite. Laissez-moi garder la religion de mes ancêtres. Je ne me repens pas de l'avoir suivie. Que je vive selon mes mœurs, puisque je suis libre. Mon culte a rangé le monde sous mes lois. Mes sacrifices ont éloigné Hannibal de mes murailles et les Gaulois du Capitole. N'ai-je donc tant vécu que pour être insulté au bout de ma longue carrière? J'examinerai ce que l'on prétend régler, mais la réforme qui arrive dans la vieillesse est tardive et outrageuse. Symmaque demande où seront jurées les lois des princes si l'on détruit l'autel de la Victoire. Il soutient que la confiscation du revenu des temples, inique en fait, ajoute peu au trésor de l'État. Les adversités des empereurs, la famine dont Rome a été affligée, proviennent du délaissement de l'ancienne religion, le sacrilège a séché l'année. Saint Ambroise répond à Symmaque. Rome, s'exprimant par la voix d'un prêtre chrétien, déclare que ces faux dieux ne sont point la cause de sa victoire, puisque ses ennemis vaincus adoraient les mêmes dieux. La valeur des légions a tout fait, les empereurs qui se livrèrent à l'idolâtrie ne furent point exempts des calamités inséparables de la nature humaine. Si Gratien, qui professait l'Évangile, a éprouvé des malheurs, Julien l'apostat a-t-il été plus heureux ? La religion du Christ est l'unique source de salut et de vérité. Les païens se plaignent de leurs prêtres, eux qui n'ont jamais été avares de notre sang. Ils veulent la liberté de leur culte, eux qui, sous Julien, nous ont interdit jusqu'à l'enseignement et la parole. Vous vous regardez comme anéantis par la privation de vos biens et de vos privilèges. C'est dans la misère, les mauvais traitements, les supplices, que nous autres chrétiens, nous trouvons notre accroissement, notre richesse et notre puissance. Sept vestales, dont la chasteté à terme est payée par de beaux voiles, des couronnes, des robes de pourpre, par la pompe des litières, par la multitude des esclaves, et par d'immenses revenus, voilà tout ce que Rome païenne peut donner à la vertu chaste. D'innombrables vierges évangéliques d'une vie cachée, humble, austère, consument leurs jours dans les veilles, les jeûnes et la pauvreté. « Nos églises ont des revenus, s'écrit-on. Pourquoi vos temples n'ont-ils pas fait de leur opulence l'usage que nos églises font de leur richesse ? Où sont les captifs que ces temples ont rachetés, les pauvres qu'ils ont nourris, les exilés qu'ils ont secourus ? Sacrificateurs, on a consacré à l'utilité publique des trésors qui ne servaient qu'à votre luxe, et voilà ce que vous appelez des calamités. » 18 ou 20 ans après saint Ambroise, Prudence se crut obligé de réfuter de nouveau Symmaque. Il redit à peu près dans les deux chants de son poème ce qu'avait dit l'évêque de Milan. Mais il emploie un argument qui semble emprunté à notre siècle et qu'on oppose aujourd'hui aux hommes amateurs exclusifs du passé. Symmaque regrettait les institutions des ancêtres. Prudence répond que si la manière de vivre des anciens jours doit être préférée, il faut renoncer à toutes les choses successivement inventées pour le bien-être de la vie, il faut rejeter les progrès des arts et des sciences et retourner à la barbarie. Quant aux Vestales, Prudence nie leur chasteté et leur bonheur. Selon le poète, la pudeur captive est conduite à l'autel stérile. La volupté ne périt pas dans les infortunés parce qu'elle la méprise, mais parce qu'elle est retranchée de force à leur corps demeuré intact. Leur âme n'est pas également restée entière, la Vestale ne trouve point de repos dans sa couche, une invisible blessure fait soupirer cette femme sans noces pour les torches nuptiales. Prudence se livre ensuite à des moqueries sur la permission accordée aux Vestales de se marier après 40 ans de virginité. La vieille en vétérance, désertant le feu et le travail divin auquel sa jeunesse fut consacrée, se marie, elle transporte ses rites émérites à la couche nuptiale et enseigne à attiédir dans un lit glacé un nouvel hymen. Si les plaidoyers de Symmaque et de saint Ambroise n'étaient que les amplifications de deux avocats jouant au barreau, l'histoire dédaignerait de s'y arrêter. Mais c'était un procès réel, et le plus grand qui ait jamais été porté au tribunal des hommes. Il ne s'agissait de rien moins que de la chute d'une religion et d'une société, et de l'établissement d'une société et d'une religion. La cause païenne fut perdue aux yeux des empereurs, elle l'était devant les peuples. Théodose, dans une assemblée du Sénat, posa cette question : quel dieu les Romains adoreront-ils, le Christ ou Jupiter ? La majorité du Sénat condamna Jupiter, les prêtres le regrettaient peut-être, mais les enfants préférèrent le dieu d'Ambroise au dieu de Symmaque. La prospérité de l'Empire n'émanait point de ces simulacres auxquels des mœurs pures ne communiquaient plus une divinité innocente. L'autel de la victoire n'avait eu de puissance que lorsqu'il était placé auprès de celui de la vertu. Prudence nous a laissé le récit de la conversion de Rome. Vous eussiez vu les pères conscrits, ces brillantes lumières du monde, se livrer à des transports. Ce conseil de vieux Caton tressaillir en revêtant le manteau de la piété, plus éclatant que la toge romaine, et en déposant les enseignes du pontificat païen. Le Sénat entier, à l'exception de quelques-uns de ses membres, restés sur la roche tarpéienne, se précipite dans les temples purs des Nazaréens. La tribu des Vendres, les descendants d'Énée, accourt aux fontaines sacrées des apôtres. Le premier qui présenta sa tête fut le noble Anitius. Ainsi le raconte l'auguste cité de Rome. L'héritier du nom et de la race divine des Olibres saisit, dans son palais orné de trophées, les fastes de sa maison, les faisceaux de Brutus, pour les déposer aux portes du temple du glorieux martyr, pour abaisser devant Jésus la hache d'Ausonie. La foi vive et prompte des Paulus et des Bassus les a livrés subitement au Christ. Nommerai-je les Gracques, si populaires? Dirai-je les consulaires qui, brisant les images des dieux, se sont voués avec leurs licteurs à l'obéissance et au service du crucifié tout-puissant? Je pourrais compter plus de 600 maisons de race antique rangées sous ces étendards. Jetez les yeux sur cette enceinte. À peine y trouverez-vous quelques esprits perdus dans les rêveries païennes, attachés à leur culte absurde, se plaisant à demeurer dans les ténèbres, à fermer les yeux à la splendeur du jour. Ne croirait-on pas, à ces vers de prudence, que Rome existait au commencement du 5e siècle, avec ses grandes familles et ses grands souvenirs? Il écrivait l'an 403, 7 ans après Alaric remuait balayait cette vieille poussière des Gracques et des Brutus, dont se couvrait l'orgueil de quelques nobles dégénérés. Théodose étendit la proscription du paganisme aux diverses provinces de l'Empire. Une commission fut nommée pour abolir les privilèges des prêtres, interdire les sacrifices, détruire les instruments de l'idolâtrie et fermer les temples. Le domaine de ces temples fut confisqué au profit de l'empereur, de l'Église catholique et de l'armée. « Nous défendons, dit le dernier édit de Théodose, à nos sujets, magistrats ou citoyens, depuis la première classe jusqu'à la dernière, d'immoler aucune victime innocente en l'honneur d'aucune idole inanimée. Nous défendons les sacrifices de la divination par les entrailles des victimes. » Les fils de Théodose, Arcade et Honorius, et leurs successeurs, multiplièrent ces édits. On peut voir toutes ces lois dans le code. Mais plus comminatoires qu'expresses, elles étaient rarement exécutées. Quelquefois même, elles étaient suspendues ou rappelées selon les besoins et les fluctuations de la politique. Le pape Innocent, à l'occasion du premier siège de Rome par Alaric, 408, permit les sacrifices, pourvu qu'ils se fissent en secret. Les princes, agissant contradictoirement à leurs édits, conservaient des païens dans les hautes charges de l'État et donnaient des titres aux pontifes des idoles. Aucune loi ne défendait aux gentils d'écrire contre les chrétiens et leur religion. Aucune loi n'obligeait un païen à embrasser le christianisme sous peine d'être recherché dans sa personne ou dans ses biens. Il y a plus, nombre d'édits de cette époque, j'en ai déjà cité quelques-uns, s'opposant aux envahissements du clergé par voie de testament ou de donation, retire des immunités accordées, règle ce nouveau genre de propriété de main morte introduit avec l'Église, interdisent l'entrée des villes aux moines et fixe le sort des religieuses. Bien que le pouvoir politique fût chrétien, il était déjà inquiet de la lutte. Il craignait d'être entraîné, n'ayant plus rien à craindre du paganisme, il commençait à se mettre en garde contre les entreprises de l'autre culte. Les mœurs brisèrent ces faibles barrières et le zèle alla plus loin que la loi. De toutes parts, on démolit les temples, perte à jamais déplorable pour les arts, mais le monument matériel succomba, comme toujours, sous la force intellectuelle de l'idée entrée dans la conviction du genre humain. Saint-Martin, évêque de Tours, suivi d'une troupe de moines, abattit dans les Gaules les sanctuaires, les idoles et les arbres consacrés. L'évêque Marcel entreprit la destruction des édifices païens dans le diocèse d'Apamée, capitale de la seconde Syrie. Le temple quadrangulaire de Jupiter présentait sur ses 4 faces 15 colonnes de 16 pieds de circonférence. Il résista. Il fallut en produire l'écroulement à l'aide du feu. Plus tard, à Carthage, des chrétiens moins fanatiques sauvèrent le temple devenu céleste en le convertissant en église, comme depuis Boniface III sauva le Panthéon à Rome. Le renversement du temple de Sérapis à Alexandrie est demeuré célèbre. Ce temple, où l'on déposait le Nilomètre, était bâti sur un tertre artificiel. On y montait par 100 degrés, une multitude de voûtes éclairées de lampes le soutenait. Il y avait plusieurs cours carrées environnées de bâtiments destinés à la bibliothèque, au collège des élèves, au logement des desservants et des gardiens, quatre rangs de galeries avec des portiques et des statues offraient de longs promenoirs. De riches colonnes ornaient le temple proprement dit. Il était tout de marbre, trois lames de cuivre, d'argent et d'or en revêtaient les murs. La statue colossale de Sérapis, la tête couverte du mystérieux boisseau, touchait de ses deux bras aux parois de la selle, et à un certain jour, le rayon du soleil venait reposer sur les lèvres du dieu. Les païens ne consentirent pas facilement à abandonner un pareil édifice. Ils y soutinrent un véritable siège, animés à la défense par le philosophe Olympius, homme d'une beauté admirable et d'une éloquence divine. Il était plein de Dieu et avait quelque chose du prophète. Deux grammairiens, Hélade et Amon, combattaient sous ses ordres. Le premier avait été pontife de Jupiter et le second d'un singe. Théophile, archevêque d'Alexandrie, armé des édits de Théodose et appuyé du préfet d'Égypte, remporta la victoire. Hélade se vantait d'avoir tué 9 chrétiens de sa main. Olympius s'évada après avoir entendu une voix qui chantait Alléluia au milieu de la nuit dans le silence du temple. L'édifice fut pillé et démoli. Nous vîmes, dit Orose, malgré son zèle apostolique, les armoires vides des livres, dévastation qui porte mémoire des hommes et du temps. La statue de Sérapis, frappée d'abord à la joue par la hache d'un soldat, ensuite jetée à bas et rompue vive, fut brûlée pièce à pièce dans les rues et dans l'amphithéâtre. Une nichée de souris s'était échappée de la tête du dieu à la grande moquerie des spectateurs. Les autres monuments païens d'Alexandrie furent également renversés, les statues de bronze fondues. Théodose avait ordonné d'en distribuer la valeur en aumône. Théophile s'en enrichit, lui et les siens. On mit répied, réter, le temple de Canope, fameuse école des lettres sacerdotales, où se voyait une idole symbolique dont la tête reposait sur les jambes. Peu auparavant, Antonin le philosophe y avait enseigné avec éclat la théurgie et prédit la chute du paganisme. Sosipâtre, sa mère, passait pour une grande magicienne. Des religieuses et des moines prirent à Canope la place des dieux et des prêtres égyptiens. Ainsi périt encore sur les confins de la Perse un temple immense qui servait de forteresse à une ville. Sérapis s'étant fait chrétien, dit saint Jérôme, le dieu Marmas pleura, enfermé dans son temple à Gaza. Il tremblait, attendant qu'on le vînt abattre. Le sang chrétien que répandirent les mains philosophiques d'Hélade fut trop expié plusieurs années après par celui d'Hypatia. Fille de Théon, le géomètre, d'un génie supérieur à son père, elle était née, avait été nourrie et élevée à Alexandrie. Savante en astronomie, au-dessus des convenances de son sexe, elle fréquentait les écoles et enseignait elle-même la doctrine d'Aristote et de Platon. On l'appelait la philosophe. Les magistrats lui rendaient les honneurs, envoyaient tous les jours à sa porte une foule de gens à pied et à cheval qui s'empressaient de la voir et de l'entendre. Elle était mariée et cependant elle était vierge. Il arrivait assez souvent alors que deux époux vivaient libres dans le lien conjugal, unis de sentiments, de goûts, de destinées, de fortune, séparés de corps. L'admiration qu'inspirait Hypatia n'excluait point un sentiment plus tendre. Un de ses disciples se mourait d'amour pour elle. La jeune platonicienne employa la musique à la guérison du malade et fit rentrer la paix par l'harmonie dans l'âme qu'elle avait troublée. L'évêque d'Alexandrie, Cyril, devint jaloux de la gloire d'Hypatia. La populace chrétienne, ayant à sa tête un lecteur nommé Pierre, se jeta sur la fille de Théon lorsqu'elle entrait un jour dans la maison de son père. Ses forcenés la traînèrent à l'église Caesareum, la mirent toute nue et la déchiquetèrent avec des coquilles tranchantes. Ils brûlèrent ensuite, sur la place Cinaron, les membres de la créature céleste qui vivait dans la société des astres, qu'elle égalait en beauté et dont elle avait ressenti les influences les plus sublimes. Le combat des idées anciennes contre les idées nouvelles à cette époque offre un spectacle que rend plus instructif celui auquel nous assistons. Ce n'était plus, comme au temps de Julien, un mouvement rétrograde, c'était au contraire une course sur la pente du siècle. Mais de vieilles mœurs, de vieux souvenirs, de vieilles habitudes, de vieux préjugés disputaient pied à pied le terrain. En abandonnant le culte des aïeux, on croyait trahir les foyers, les tombeaux, l'honneur, la patrie. La violence exercée en opposition avec l'esprit de la loi rendait le conflit plus opiniâtre. On reprochait aux chrétiens d'oublier dans la fortune les préceptes de charité qu'ils recommandaient dans le malheur. Hommes de guerre et hommes d'étang, sénateurs et ministres, prêtres chrétiens et prêtres païens, historiens, orateurs, panégyristes, philosophes, poètes, accouraient à l'attaque ou à la défense des anciens et des modernes autels. Théodose est un empereur violent et faible, livré au plaisir de la table, selon Sosime. C'est un saint qui règne dans le ciel avec Jésus-Christ aux yeux de saint Ambroise. Les temples s'écroulent à la voix et sous les mains des moines et des évêques. Ils tombent au chant de victoire de Prudence. Le vieux Libanius ranime sa piété philosophique pour attendrir Théodose en faveur de ces mêmes temples. « Celui, dit-il à l'empereur, celui qui, lorsque j'étais encore enfant, Constantin, a bâti à ses pieds le prince qu'il avait traité avec outrage, Maxence, croyant qu'il lui convenait d'adopter un autre dieu, se servit des trésors et des revenus des temples pour bâtir Constantinople. Mais il ne changea rien au culte solennel. Si les maisons des dieux furent pauvres, les cérémonies demeurèrent riches. Son fils, Constance, s'abandonna au mauvais conseil de faire cesser les sacrifices. Le cousin de ce fils, Julien, prince orné de toutes les vertus, les rebâtit. Après sa mort, l'usage des anciens sacrifices subsista quelque temps. Il fut aboli, il est vrai, par deux frères, Valentinien et Valence, à cause de quelques novateurs, mais on conserva la coutume de brûler des parfums. Vous avez vous-même toléré cette coutume, en sorte que nous avons autant à vous remercier de ce que vous nous avez accordé qu'à nous plaindre de ce dont on nous prive. Vous avez permis que le feu sacré demeurât sur les autels, qu'on y brûlât de l'encens et d'autres aromates. Et voilà pourtant qu'on renverse nos temples. Les uns travaillent à cette œuvre avec le bois, la pierre, le fer. Les autres emploient leurs mains et leurs pieds, proie de Mysienne, proverbe grec qui signifie « conquête facile ». On enfonce les toits, on sape les murailles, on enlève les statues, on renverse les autels. Pour les prêtres, il n'y a que deux parties à prendre, se taire ou mourir. D'une première expédition, on court à une seconde, à une troisième. On ne se lasse pas d'ériger des trophées injurieux à vos lois. Voilà pour les villes. Dans les campagnes, c'est bien pis encore. Là se rendent les ennemis des temples. Ils se dispersent, se réunissent ensuite et se racontent leurs exploits. Celui-là rougit qui n'est pas le plus criminel. Ils vont comme des torrents sillonnant la contrée et bondissant contre la maison des dieux. La campagne privée de temples est sans dieu. Elle est ruinée, détruite, morte. Les temples, ô empereur, sont la vie des champs. Ce sont les premiers édifices qu'on y ait vus, les premiers monuments qui soient parvenus jusqu'à nous à travers les âges. C'est au temple que le laboureur confie sa femme, ses enfants, ses bœufs, ses moissons. Voilà la conduite des chrétiens. Ils protestent qu'ils ne font la guerre qu'au temple. Mais cette guerre est le profit de ses oppresseurs. Ils ravissent aux malheureux les fruits de la terre et s'en vont avec les dépouilles, comme s'ils les avaient conquises et non volées. Cela ne leur suffit pas, ils attaquent encore les possessions particulières parce que, au dire de ces brigands, elles sont consacrées aux dieux. Sous ce prétexte, un grand nombre de propriétaires sont privés des biens qu'ils tenaient de leurs ancêtres, tandis que leurs spoliateurs, qui à les entendre honorent la divinité par leurs jeûnes, s'engraissent aux dépens des victimes. Va-t-on se plaindre aux pasteurs, nom qu'on affecte de donner à un homme qui n'a certainement pas la douceur en partage? Ils chassent les réclamants de sa présence, comme s'ils devaient s'estimer heureux de n'avoir pas souffert davantage. On prétend que nous avons violé la loi qui défend les sacrifices. Nous le nions. On répond que si aucun sacrifice n'a eu lieu, on a égorgé des bœufs au milieu des festins et des réjouissances. Cela est vrai, mais il n'y avait pas d'autel pour recevoir le sang. On n'a brûlé aucune partie de la victime. On n'a point offert de gâteau. On n'a point fait de libation. Or, si un certain nombre de personnes pour manger un veau ou un mouton se sont rencontrées dans quelques maisons de campagne, si, couchées sur le gazon, elles se sont nourries de la chair de ce veau ou de ce mouton après l'avoir fait bouillir ou rôtir, je ne vois pas quelles lois ont été transgressées. Car, ô divin empereur, vous n'avez pas prohibé les réunions domestiques. Ainsi, bien qu'on ait chanté un hymne en l'honneur des dieux et qu'on les ait invoqués, on n'a point violé votre édit. à moins que vous ne vouliez transformer en crime l'innocence de ces festins. Nos persécuteurs se figurent que par leur violence, ils nous amènent à la pratique de leur religion. Ils se trompent. Ceux qui paraissent avoir varié dans leur culte sont restés tels qu'ils étaient. Ils vont avec les chrétiens aux assemblées, mais lorsqu'ils font semblant de prier, ils ne prient point, ou ce sont leurs anciens dieux qu'ils adjurent. En matière de religion, laissez tout à la persuasion, rien à la force. Les chrétiens n'ont-ils pas une loi conçue en ces termes, pratiquez la douceur, tâchez d'obtenir tout par elle, ayez horreur de la nécessité ou de la contrainte? Pourquoi donc vous précipitez-vous sur nos temples avec tant de fureur? Vous transgressez donc aussi vos lois. Mais puisque les chrétiens allèguent l'exemple de celui qui le premier a dépouillé les temples, Constantin, j'en vais parler à mon tour. Je ne dirai rien des sacrifices. Il n'y toucha pas. Mais qui fut jamais plus rigoureusement puni que le ravisseur des trésors sacrés? De son vivant, il vengea les dieux sur lui-même, sur sa propre famille. Après sa mort, ses enfants se sont égorgés. Les chrétiens s'autorisent encore de l'exemple du fils de ce prince, Constance. Il démolit les temples avec d'aussi grands travaux qu'il en eût fallu pour les reconstruire, tant il était difficile de séparer ces pierres liées ensemble par un fort ciment. Il distribuait les édifices aux favoris dont il était entouré de la même manière qu'il leur eût donné un cheval, un esclave, un chien, un bijou. Eh bien, ces présents devinrent funestes à celui qui les accordait comme à ceux qui les acceptaient. De ces favoris, les uns moururent dans l'infortune, sans postérité, sans testament. Les autres laissèrent des héritiers, mais qu'il eût mieux valu pour eux n'en avoir point. Nous les voyons aujourd'hui, ces enfants qui habitent au milieu des colonnes arrachées au temple. Nous les voyons couverts d'infamie et se faisant une guerre cruelle. Cette citation, trop instructive pour être abrégée, offre un tableau presque complet du IVe siècle. Usage et influence des temples dans les campagnes, fin de ces temples, commencement de la propriété du clergé chrétien par la confiscation de la propriété du clergé païen, cupidité et fanatisme des nouveaux convertis qui s'autorisent des lois en les dénaturant pour commettre des rapines et troubler l'intérieur des familles. Et de même que Lactance a raconté la mort funeste des persécuteurs du christianisme, Libanius raconte les désastres arrivés aux persécuteurs de l'idolâtrie. Mais quoi qu'il en soit, Dieu, qui punit l'injustice particulière de l'individu, n'en laisse pas moins s'accomplir les révolutions générales calculées sur les besoins de l'espèce. Les moines furent les principaux ouvriers de la démolition des temples. Aussi, les outrages et les éloges leur sont-ils également prodigués. Sozomène assure que les pères du désert pratiquent une philosophie divine. Les religieux, dit saint Augustin, ne cessent d'aimer les hommes, quoiqu'ils aient cessé de les voir, s'entretenant avec Dieu et contemplant sa beauté. Saint Chrysostome, au sujet de la sédition d'Antioche, compare la conduite des philosophes et des moines. Où sont maintenant, s'écrit-il, ces porteurs de bâtons, de manteaux, de longues barbes, ces infâmes cyniques au-dessous des chiens, leurs modèles? Ils ont abandonné le malheur, ils se sont allés cacher dans les cavernes. Les vrais philosophes, les moines des environs d'Antioche, sont accourus sur la place publique. Les habitants de la ville ont fui au désert, les habitants du désert sont venus à la ville. L'anachorète a reçu la religion des apôtres. Il imite leur vertu et leur courage, vanité des païens, faiblesse de la philosophie. On voit à ses œuvres qu'elle n'est que fable, comédie, parade et fiction. Quels sont les destructeurs de nos temples? Dit à son tour Libanius. Ce sont des hommes vêtus de robes noires, qui mangent plus que des éléphants, qui demandent au peuple du vin pour des champs et cachent leur débauche sous la pâleur artificielle de leur visage. Il y a une race appelée moines, dit pareillement Eunape. Ces moines, hommes par la forme, pourceaux par la vie, font et se permettent d'abominables choses. Quiconque porte une robe noire et présente au public une sale figure a le droit d'exercer une autorité tyrannique. Sur la haute mer, c'est le poète Rutilius qui parle, s'élève l'île de Capraria, souillée par des hommes qui fuient la lumière. Eux-mêmes se sont appelés moines parce qu'ils aspirent à vivre sans témoin. Ils redoutent les faveurs de la fortune parce qu'ils n'auraient pas la force de braver ses dédains. Ils se font malheureux de peur de l'être. rage stupide d'une cervelle dérangée, s'épouvanter du mal et ne pouvoir souffrir le bien. Leur sort est de renfermer leur chagrin dans une étroite cellule et d'enfler leur triste cœur d'une humeur atrabilaire. Après avoir passé Capraria, petite île entre la côte de l'Étrurie et celle de la Corse, Rutilius aperçoit une autre île, la Gorgone. Là s'est enseveli vivant au sein des rochers un citoyen romain. Poussé des furies, ce jeune homme, noble d'aïeux, riche de patrimoine, et non moins heureux par son mariage, fuit la société des hommes et des dieux. Le crédule exilé se cache au fond d'une honteuse caverne. Il se figure que le ciel se plaît aux dégoûtantes misères. Il se traite avec plus de rigueur que ne le traiteraient les dieux irrités. Dites-moi, je vous prie, cette secte n'a-t-elle pas des poisons pires que les breuvages de Circé ? Alors se transformaient les corps, à présent se métamorphosent les âmes. Les faiblesses et les jongleries des prêtres du paganisme étaient exposées par le clergé chrétien à la risée de la multitude. Ils se servaient de l'aimant pour opérer des prodiges, pour suspendre un char de bronze attelé de 4 chevaux ou faire monter un soleil de fer à la voûte d'un temple. Ils s'enfermaient dans des statues creuses, adossées contre des murailles, et ils rendaient des oracles. Fleury a osé rappeler, dans l'histoire ecclésiastique, une anecdote racontée avec moins de pudeur par Ruffin. Un prêtre de Saturne nommé Tyran abusa ainsi de plusieurs femmes des principaux de la ville. Il disait au mari que Saturne avait ordonné que sa femme vînt passer la nuit dans le temple. Le mari, ravi de l'honneur que ce dieu lui faisait, envoyait sa femme parée de ses plus beaux ornements et chargée d'offrandes. On l'enfermait dans le temple devant tout le monde. Tyran donnait les clés des portes et se retirait, mais pendant la nuit, il venait par sous terre et entrait dans l'idole. Le temple était éclairé, et la femme, attentive à sa prière, ne voyant personne et entendant tout d'un coup une voix sortir de l'idole, était remplie d'une crainte mêlée de joie. Après que Tyran, sous le nom de Saturne, lui avait dit ce qu'il jugeait à propos pour l'étonner davantage ou la disposer à le satisfaire, il éteignait subitement toutes les lumières en tirant des linges disposés pour cet effet. Il descendait alors et faisait ce qui lui plaisait à la faveur des ténèbres. Après qu'il eut ainsi trompé des femmes pendant longtemps, une, plus sage que les autres, eut horreur de cette action. Écoutant plus attentivement, elle reconnut la voix de Tyran, retourna chez elle et découvrit la fraude à son mari. Celui-ci se rendit accusateur. Tyran fut mis à la question et convaincu par sa propre confession, qui couvrit d'infamie plusieurs familles d'Alexandrie, en découvrant tant d'adultères et rendant incertaine la naissance de tant d'enfants, ces crimes publiés contribuèrent beaucoup au renversement des idoles et des temples. Une aventure à peu près pareille avait eu lieu à Rome sous le règne de Tibère. Elle rappelait encore celle de ce jeune homme qui, jouant le rôle du fleuve Scamandre, abusa de la simplicité d'une jeune fille. On étalait à la honte de l'idolâtrie les poupées empaillées, les simulacres ridicules, obscènes ou monstrueux, les instruments de magie et jusqu'aux têtes coupées de quelques enfants dont on avait doré les lèvres, toute divinité trouvée dans les sanctuaires les plus secrets des temples abattus. Les païens tenaient ferme et rendaient mépris pour mépris. Ils insultaient le culte des martyrs. Au lieu des dieux de la pensée, les moines obligent les hommes à adorer les esclaves de la pire espèce. Ils ramassent et salent les os et les têtes des malfaiteurs condamnés à mort pour leurs crimes. Ils les translatent, çà et là, les montrent comme des divinités, s'agenouillent devant ces reliques, se prosternent à des tombeaux couverts d'ordures et de poussière, sont appelés martyrs, ministres, intercesseurs auprès du ciel, ceux-là qui, jadis esclaves infidèles, ont été battus de verges et portent sur leur corps la juste marque de leur infamie. Voilà les nouveaux dieux de la terre. Au milieu de ces combattants animés, des hommes plus justes ou plus modérés dans l'un et l'autre parti reconnaissaient ce qu'il pouvait y avoir à louer ou à blâmer parmi les disciples des deux religions. Ammien Marcellin, parlant du pape Damas, remarque que les chrétiens avaient de bonnes raisons pour se disputer, même à main armée, le siège épiscopal de Rome. Les candidats préférés sont enrichis par les présents des femmes. Ils sont traînés sur des chars et vêtus d'habits magnifiques. La somptuosité de leurs festins surpasse celle des tables impériales. Ces évêques de Rome, qui étalent ainsi leurs vices, serait plus révéré s'il ressemblait aux évêques de province, sobres, simples, modestes, les regards baissés vers la terre, s'attirant l'estime et le respect des vrais adorateurs du Dieu éternel. « Faites-moi évêque de Rome, » disait le préfet, « prétextus, à Damas, et je me fais chrétien. » Saint Jérôme, souvent raisonnable à force d'être passionné, écrit « Voici une grande honte pour nous. Les prêtres des faux dieux, les bateleurs, les personnes les plus infâmes peuvent être légataires. Les prêtres et les moines seuls ne peuvent l'être. Une loi le leur interdit, et une loi qui n'est pas faite par des empereurs ennemis de notre religion, mais par des princes chrétiens. Cette loi même, je ne me plains pas qu'on l'ait faite, mais je me plains que nous l'ayons méritée. Elle fut inspirée par une sage prévoyance, mais elle n'est pas assez forte contre l'avarice. On se joue de ses défenses par de frauduleux fédéi commis. » Le même père dit ailleurs, « Il y en a qui briguent la prêtrise ou le diaconat pour voir les femmes plus librement. Tout leur soin est de leurs habits, d'être chaussés proprement, d'être parfumés. Ils frisent leurs cheveux avec le fer, les anneaux brillent à leurs doigts, ils marchent du bout du pied. Vous les prendriez pour de jeunes fiancées plutôt que pour des clercs. Il y en a dont toute l'occupation est de savoir les noms et les demeures des femmes de qualité et de connaître leurs inclinations. J'en décrirai un qui est maître en ce métier. Il se lève avec le soleil, l'ordre de ses visites est préparé, il cherche les chemins les plus courts, et ce vieillard importun entre presque dans les chambres où elles dorment. S'il voit un oreiller, une serviette ou quelque autre petit meuble à son gré, il le loue, il en admire la propreté, il le tâte, il se plaint de n'en avoir point de semblable et l'arrache plutôt qu'il ne l'obtient. » Grégoire de Nazianze parle des chars dorés, des beaux chevaux, de la suite nombreuse des prélats. Il représente la foule s'écartant devant eux comme devant des bêtes féroces. Ces controverses avaient lieu partout. Elles passaient les mers, elles se continuaient par l'être de la grotte de Bethléem à Hippone, du désert de la Thébaïde à Alexandrie, d'Antioche à Constantinople, de Constantinople à Rome. Tous les esprits étaient émus dans tous les rangs à mesure que la catastrophe approchait. Mais, par un effet naturel, ceux qui s'attachaient à la cause perdue afin de parvenir à la puissance n'y trouvaient que leur ruine. Photius nous a conservé un fragment de Damascius dans lequel ce philosophe fait l'énumération des personnages qui entreprirent inutilement de ressusciter le culte des Hélènes. Julien est nommé le premier. Lucius, capitaine des gardes à Constantinople, voulut tuer Théodose pour ramener l'idolâtrie. Mais il ne put tirer son épée, effrayé qu'il fût d'une femme au regard terrible qui se tenait derrière l'empereur et l'entourait de ses bras. Marsus et Illus perdirent la vie dans une entreprise de la même nature. Ammonius, après avoir conspiré, déserta à un évêque. Severianus ourdit une nouvelle trame, mais il fut trahi par Americus, qui découvrit le complot à Zénon, empereur d'Orient. Eugène, empereur d'Arbogaste, met l'image d'Hercule dans ses bannières, rend au temple leurs revenus et ordonne de rétablir à Rome l'autel de la victoire. Dans cette même Rome, qui avait tant de peine à renoncer au dieu Mars, un oracle s'était répandu. Des vers grecs annonçaient que le christianisme subsisterait pendant 365 ans. Jésus était innocent de son culte, mais Pierre, versé dans les arts magiques, avait conservé dans ce nombre fixe d'années la religion du Christ. Or, à compter de la résurrection, cette période expirait sous le consulat d'Honorius et de Ticianus, l'an 398 de l'ère chrétienne. Les païens, pleins de joie, attendaient l'abolition complète et immédiate de la loi évangélique, et ce même an, les temples de l'Afrique furent renversés ou fermés par les ordres d'Honorius. Une autre espérance survint. Radagaise, païen et barbare, ravageait l'Italie et menaçait Rome. « Comment, disaient les pieux idolâtres, pourrons-nous résister à un homme qui offre soir et matin d'agréables victimes à ces dieux que nous abandonnons ?» Et Radagaise fut vaincu, tandis qu'Alaric, barbare aussi mais chrétien, entra dans Rome. Eucher, fils de Stilicon, était l'objet de vœux secrets, il professait le paganisme. Attale même, ce jouet d'ego eut des partisans. Il avait distribué les principaux offices de l'État à des polythéistes et Sosime, remarque que la famille chrétienne des Anis s'affligeait seule du bonheur public. La passion ne pouvait aller plus loin. Enfin, un des derniers fantômes d'empereur créés par Ricimer, Anthemius, donna une dernière palpitation au cœur des vieux hellénistes. Il inclinait aux idoles, il avait promis à Sévère, tout livré à l'ancien culte, de rétablir la ville éternelle dans sa première splendeur et de lui rendre les dieux auteurs de sa gloire. Le pape Hilaire traversa ce dessein en faisant promettre à Anthemius d'écarter de lui un certain Philothée de la secte des Macédoniens qui plaçait Anthemius entre le paganisme et l'hérésie. Alaric et Genséric avaient déjà pillé Rome et Odoacre, roi d'Italie, était au moment de remplacer l'empereur d'Occident. Le paganisme alla s'ensevelir dans les catacombes d'où le christianisme était sorti. On trouve encore aujourd'hui, parmi les chapelles et les tombeaux des premiers chrétiens, les sanctuaires et les simulacres des derniers idolâtres. Non seulement les restes de la religion grecque se conservèrent en secret, mais elle domina publiquement quelques parties du nouveau culte. Saint Boniface, dans le 8e siècle, s'en plaint à la cour de Rome.